toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission dédiée à la chanson francophone Les Feuilles Mortes. Vous êtes sur Radio Guémozo 107.fm. Il aurait eu 100 ans le 2 mai 2022. Né à Reggio d'Emilie, Sergio, fils d'ouvriers italiens qui ont fui le fascisme de Mussolini, arrive en France à l'âge de 8 ans. À 16 ans, il obtient le premier prix de comédie à Paris et entre, l'année suivante, au Conservatoire d'art dramatique. À 19 ans, il commence sa carrière d'acteur au théâtre, puis au cinéma 2 ans après. Sa carrière de comédien au théâtre et au cinéma est impressionnante. En 1964, à 42 ans, il se lance dans la chanson et rencontre un grand succès. Il s'agit de Serge Reggiani et nous l'écoutons tout de suite dans l'italien, un texte de Jean-Loup Dabadie. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici, j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais. 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non è posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis. J'ai fait tous les métiers. Valeur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui mais je joue bien mal aux dames. Tu sais, du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien. Je reviens de si loin. La route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais. Je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance. C'est que tu n'as pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien. Et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Au théâtre, il jouera les plus grands rôles dans les pièces de Cocteau, de Sartre, de Camus, de Shakespeare, de Racine et bien d'autres. Au cinéma, il sera l'interprète des films de Carnet, Becker, Kayat, Melville, Duvivier, Clouseau, Visconti, parmi une multitude de réalisateurs. Il incarnera à merveille le jeune premier au destin tragique ou le perdant magnifique. Qui ne se souvient pas de ses rôles? L'ouvrier mandat dans Casque d'or, l'imprimeur dans Marie-Octobre, Angelo dans Les Amants de Vérone ou Maurice Fogel dans Le Doulos. Ce perdant magnifique, retrouvons-le dans un autre texte de Jean-Loup Dabadie, tout en émotion contenue, dans Le Petit Garçon. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas. Ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir, il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas. C'est en interprétant les textes de Boris Vian que Serge Reggiani enregistre son premier disque. Sa voix, au timbre de baryton, séduit le public. Les jeunes, sensible à l'engagement politique, apprécie particulièrement ce que Sergio chante, avec sa voix, ses mains, son corps. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir quelques-unes des chansons de ce premier album. La plus drôle, Arthur, où tu as mis le corps. La plus révoltée, je voudrais pas crever. La plus tendre, de velours et de soie. La plus insolite, la Java des bombes atomiques. Et la plus engagée, le déserteur, précédé du dormeur de Val d'Arthur Rimbaud. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant: sa cloche, c'est pas où il est passé. Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur? Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oui, oh, oh, oh, oh. Arthur, où t'as mis le corps? S'écrièrent les inspecteurs. Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves. On a écopé les ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cogne plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui? Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors, Arthur, oui. Allons, mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein? Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à dire qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là? Oui, le corps. Arthur, où t'as mis ton corps? Ben, j'ai plus de corps, le corps. Arthur, as-tu du cœur? Belote, les gars, rebelote et 10 de l'air. Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent, on y truffait de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur le grand boulevard, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins trop bizarres, que voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si, si, si je savais que j'en aurais les traits. Et il y a aussi tous ceux que je connais, le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues, sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, où nous ressemble Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux, j'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur. Tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre, tant de choses à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui gronde, qui s'amène, avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Les fleurs sauvages, les océans du monde, les îles blondes m'avaient toujours tenté. Fini les grands voyages, fini les ciels oranges, tous les frissons étranges, tu me les as donnés. De velours et de soie, comme ta chair parfumée, de lumière et de velours, comme tes yeux, de rose et de lumière, comme le goût de ta bouche, de sang et de rose fraîche. Comme tes jours, de feu d'or et de sang, comme un baiser que tu me donnes, d'argent, de feu et d'or, comme ton corps qui s'abandonne, de soleil et d'argent, tes cheveux dans le vent mauve, de plaisir et de soleil, comme une nuit dans tes bras. Mon

et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Sa diction, son timbre de voix, sa gestuelle l'autorise à réciter ou chanter les textes des poètes et à leur rendre ainsi le plus bel hommage qui soit. Venu du théâtre, Serge Reggiani maîtrise parfaitement sa prestation sur scène. Ses intonations, ses trémolos sont époustouflants. Comment ne pas être conquis par l'artiste, par sa façon d'habiter et de restituer le texte? Écoutons Serge Reggiani nous conter, de Jacques Prévert, Il ne faut pas, Barbara et Pater Noster, de Charles Baudelaire, Enivrez-vous, et de Guillaume d'Apollinaire, Le Pont Mirabeau, suivi de Paris ma rose, d'Henri Gougaud. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes, parce que, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et sitôt qu'il est seul, travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même et soi-disant généreusement en l'honneur des travailleurs du bâtiment, un auto-monument. Répétons-le, messieurs. Quand on le laisse seul, le monde mental ment. Monumentalement. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu à tout ce que j'aime. Même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal. sur le bateau d'Ouessa. Oh, Barbara, quelle connerie, la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu? Ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal de l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre, offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles et qui n'osent se l'avouer, comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde qui sont légion, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs reîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons. Toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas des esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Passent les jours et passent les semaines. ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine la bouclée. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris ma rose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert qu'est-il devenu, lui qui serpentait près de la Bastille? Où est passé Paris la grise, Paris sur brume la mouillée? Les partis, Paris l'oubli, est parti sur la pointe des pieds. Paris la grise, où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers? C'est perdu vers Aubervilliers, ou vers Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime et qui n'est plus? Serge Reggiani est un chanteur populaire dont l'interprétation des textes en assure le succès. Nombreux sont les paroliers qui lui en proposent. Nous connaissons bien de ces ritournelles que nous prenons plaisir à réécouter, un brin nostalgique, rêveur, le vague à l'âme. Nous les avons fredonnées et je vous invite à en redécouvrir quelques-unes. Il suffirait de Presque rien de Jean-Max Rivière, Ma fille d'Eddie Marnet, et puis de Jean-Loup Dabadie, L'homme fossile de Pierre Tisserand. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette? Allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire? Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé et moi de mon côté j'étais souvent parti. Des Indes à l'Angleterre on a couru la terre et pas toujours ensemble. Mais à chaque retour nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bon compagnon. Mon enfant, mon petit, bonne route, bonne route. Tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous épellerons les années de ton nom. À vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, mon petit, bonne route, bonne route. Sur le chemin de la vie, nos deux cœurs vont changer de pays. L'enfance se fait lointaine, comme un pays d'où l'on s'en va. Je ne vois plus qu'à peine le rivage, mon amour, mon amour. Avec toi, j'appareille à l'âme, pour autre part, pour autre chose, à bord de ma charentaise. Dans une image, t'aimes-toi, qui ne sera jamais une autre personne, ne me quitte jamais, je t'aime, et puis, comment va-t-il?

Enfants, soyez meilleurs que nous. On a raté à peu près tout. On a pourtant beaucoup rêvé. Rêvé de construire pour vous un monde plus joli, plus doux, un monde moins dur et moins fou. On naviguait au plus près, et malgré tous nos regrets, on a fait beaucoup de progrès. Et ce siècle, en vérité, a presque tout inventé, mais qui donc va en profiter? Enfant, ne nous jugez pas trop, c'était peut-être un peu trop tôt. Il faut repartir à zéro, sauver notre rêve au tapis et recoller la panoplie pour une nouvelle utopie. Enfant, il faut garder l'espoir toujours et toujours y croire, oui. Tâchez d'être malgré tout meilleur que nous. Garder l'espoir et toujours y croire, oui. Tâcher d'être malgré tout meilleur que nous. Ainsi se termine cette première séquence d'une heure sur Serge Reggiani. Elle sera rediffusée dimanche prochain à 14h. Vous pourrez aussi retrouver le podcast sur le site en minuscule, sans accent, radiogemozo.radio-du6website.com. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour la seconde séquence consacrée à Serge Reggiani. Merci pour votre fidélité et pour votre écoute. Merci à l'équipe de Radio Gemozo pour son assistance technique.